grâce, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Il y a un Dieu juste qui te justifiera. Tu es accusé injustement. Et les gens se moquent de toi. Lève les yeux vers l'Éternel. Lui, il est le Dieu qui te justifiera. Il combattra pour toi. Et ceux qui t'accusent injustement seront dans la confusion. Ne t'inquiète pas. Ne cherche pas à savoir qui a dit ceci, qui a dit cela. Laisse la justice à Dieu. Il dit à moi la vengeance. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Esdras chapitre 7. Versets 1 à 10. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Notre passage d'aujourd'hui dans le cadre de notre émission OSB, c'est Esdras chapitre 7, 1 à 10. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi des Perses, vint Esdras, fille de Seraja, fille d'Azaria, fille de Ilkija, fille de Shalom, fille de Tsadok, fils d'Ashitub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fille de Merajot, fille de Zeracha, fils d'Uzi, fils de Buki, fils d'Abishua, fille de Phiné, fille d'Éléazar, fille d'Aaron, le souverain sacrificateur. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs des Lévites, des chantres et des portiers et des Nétiniens vinrent aussi à Jérusalem, la septième année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Amen. Nous allons partager quatre vérités essentielles. Toutes ces vérités sont des qualités de cet homme que nous appelons Esdras. Oui, Esdras est pour nous un serviteur modèle. Et chacun de nous, en tant que chrétien, en tant que pasteur, en tant qu'enseignant de la parole, en tant que diacre, en tant qu'ancien, en tant que serviteur, à quelque niveau que ce soit, nous devrions ressembler à Esdras. Voici les quatre qualités d'Esdras. Première qualité, c'était quelqu'un qui était versé dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui étudiait soigneusement la parole de Dieu. Combien sont des chrétiens aujourd'hui qui étudient chaque jour la parole de Dieu? Mon ami, je vais parler à quelqu'un. Tu dis que tu as reçu une révélation pour que tu deviennes pasteur. Mon ami, on ne devient pas pasteur comme ça. Même les simples études bibliques là, tu ne connais même pas comment étudier la Bible. Tu as besoin d'abord d'être formé. Tu as besoin d'apprendre à connaître la parole de Dieu. On ne devient pas pasteur comme ça. On ne devient pas bishop comme ça, mon ami. Esdras était versé dans les Écritures. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui étudiait la parole de Dieu, qui la comprenait, qui pouvait entrer dans la profondeur. Nous avons besoin de tels serviteurs aujourd'hui. Il est dit ici, au verset 6, « Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et lorsque nous descendons en bas, il est dit au verset 10, « car Esdras avait appliqué son cœur à étudier. Vous voyez les premiers verbes? À étudier la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'étudient plus la Bible. Beaucoup de chrétiens, ils mettent l'accent sur des révélations. Lorsqu'un homme de Dieu vient, il dit, bon, Dieu m'a révélé ceci. Dieu m'a révélé que tu te marieras à tel monsieur ou à telle femme. Dieu m'a révélé que tu seras directeur, mon ami. Mais d'où viennent toutes ces révélations? Celui qui connaît la Bible, la parole de Dieu, est capable de discerner si ces révélations viennent de Dieu ou pas. La révélation avec grand R majuscule, c'est la parole de Dieu. Dieu ne peut pas se contredire en te donnant une révélation qui contredit ce qui est déjà dans la parole écrite de Dieu. Aujourd'hui, si nous avons beaucoup de chrétiens qui sont emportés par des vents de doctrine, qui vont d'église en église, de secte en secte, c'est parce qu'ils ne sont pas assis dans la parole de Dieu. Suivons l'exemple d'Esdras. Deuxième qualité d'Esdras, c'était quelqu'un qui mettait en pratique la parole de Dieu. Notre objectif, ce n'est pas seulement de connaître la Bible pour que les gens nous admirent en disant « Ah, il connaît la Bible » ou « Elle connaît la Bible ». Il faut maintenant la deuxième dimension, mettre en pratique. Il arrive des fois qu'il y ait un grand décalage entre ce que nous-mêmes nous affirmons connaître et ce que nous faisons. C'est ça le grand problème aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui connaissent tous les versets bibliques. Ils ont été à l'école du dimanche. Je parle à toi, mon ami. Toi, tu dis, moi, j'étais à l'école du dimanche. Tu étais président même des jeunesses. Tu étais dans tous les comités. Tu dis même, voilà, même quand telle église a commencé, hein, le premier pasteur là, oui, moi, je le connais. C'est même nous qui l'avons installé. Ça ne veut rien dire, mon ami. Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Je parle à toi, mon ami. Tu dis que tu es ancien de l'église, tu es diacre, tu es responsable. Mais comment est-ce que la nuit, tu arrives à frapper ta femme? Et pendant la journée, le dimanche, c'est toi qui diriges les cultes, mon ami. Tu devrais te demander, tu devrais même dire au pasteur qu'en tout cas aujourd'hui là, je ne suis pas apte. Tu devrais te gêner parce que tu n'appliques pas ce que toi-même tu dis. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains, toi qui enseignes, tu dis de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons ressembler à Esdras, on dit au verset 10, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. C'est pourquoi aujourd'hui, mettons l'accent sur la mise en pratique de la parole de Dieu. Même dans nos institutions bibliques et théologiques, nous ne devrons pas seulement nous limiter à donner de simples connaissances aux étudiants qui viennent. Mais nous devons chercher aussi à leur montrer que ce qu'ils étudient ne servirait à rien s'ils n'appliquent pas la parole de Dieu dans leur vie. Troisième qualité d'Esdras, c'est quelqu'un qui enseignait la parole de Dieu. C'est tout à fait normal. Ce n'est que dans la mesure où moi-même, je m'applique à étudier la parole de Dieu, où je mets en pratique la parole de Dieu, que je serai à mesure de commencer maintenant à enseigner aux autres, à me mettre devant pour dire, voici ce que je vous enseigne. Parce que à ce moment-là, je vais enseigner et par la parole et par la pratique. Et c'est ce que Jésus lui-même faisait. C'est l'exemple aussi d'Esdras. Il est dit au verset 10, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. À l'époque, c'était le travail des scribes. Aujourd'hui, nous pouvons dire l'équivalent de docteur. Nous avons besoin du ministère de docteurs, des gens qui peuvent enseigner la parole de Dieu. Mettons l'accent sur l'enseignement de la parole. Je n'ai rien contre les miracles. C'est bien qu'on parle des miracles. Jésus qui délivre, qui guérit, que les paralytiques marchent, c'est bien. Mais si le peuple n'est pas enseigné, nous n'aurons pas de vie transformée. Mettons donc l'accent sur l'enseignement de la parole de Dieu. Esdras a compris l'importance. Après 70 ans de captivité, le peuple est retourné. Il y a peut-être ceux-là qui commençaient à se sentir découragés. Il fallait maintenant qu'Israël retourne à la loi de l'Éternel. Il fallait des gens comme Esdras pour enseigner le peuple de Dieu à observer la loi de l'Éternel. Quatrième qualité d'Esdras, c'est un homme sur qui la main de Dieu reposait. Et c'est une déduction logique. Quand on s'applique à méditer la parole de Dieu, à la mettre en pratique, à enseigner, la main de Dieu sera sur nous. C'est-à-dire, vous obtiendrez la faveur divine. Dieu va se manifester dans votre vie. Il est écrit ici au verset 6, « Cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était avec lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. » Vous voyez, c'est une faveur, nous ne pouvons les recevoir de la part de nos autorités, de la part de nos responsables, que si la bonne main de Dieu est avec nous. Je vais parler à une femme. C'est vrai, ces derniers temps, tu tourmentes trop ton mari. Tu ne m'achètes pas ceci, tu ne m'achètes pas panne. Oui, c'est vrai que c'est le devoir de ton mari de te le donner. Mais sache que toi-même là, si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, Dieu ne va pas incliner le cœur de ton mari à te donner ce dont tu as besoin. Est-ce que tu comprends? Il y a des choses, lorsque toi-même là, tu marches dans la crainte de Dieu, lorsque la main de Dieu est sur toi, tu vas voir, il va t'accorder des faveurs, même là où tu travailles. La bonne main de Dieu était sur Esdras. C'est pourquoi le roi lui a donné tout ce dont il avait besoin. Homme de Dieu, nous ne devons pas courir pour chercher l'argent par-ci, par-là. Lorsque nous sommes comme Esdras, lorsque nous ressemblons à Esdras, nous marchons dans la crainte de Dieu, nous appliquons la parole de Dieu, la bonne main de Dieu sera sur nous. Homme de Dieu, pasteur, lorsque la main de Dieu est sur toi, tu ne manqueras de rien. Tu auras de quoi payer la maison. Tu auras de quoi payer la scolarité de tes enfants, parce que celui qui t'a appelé, ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. Cesse d'aller commander chez les diacres, chez les anciens de l'église. Ce n'est pas eux qui t'ont appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Toi, fais ton travail et tu verras, tu ne manqueras de rien. La bonne main de Dieu sera sur toi. Il t'accordera tout ce dont tu as besoin pour le besoin familial et pour ton ministère. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer ce matin. Nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. En toi mon sang. Alléluia. Oh, élevons nos voix. Disons merci à Dieu. Il est le Dieu des grâces. Il est le Dieu des bontés. Il est digne de louanges. Bénissons-les. Amen. Notre texte, nous les rappelons, c'est Ezra chapitre 7, versets 1 à 10. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir Esdras, un serviteur modèle, un homme qui était versé dans la parole de Dieu, qui étudiait la parole de Dieu, qui la mettait en pratique, qui enseignait la parole de Dieu. Mais la bonne main de Dieu était sur lui. C'est pourquoi il obtenait toutes les faveurs divines. Nous allons prier l'Éternel afin qu'il nous aide à étudier la parole de Dieu comme Esdras, mais aussi à la mettre en pratique. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur pour qu'il te donne vraiment ce désir ardent et que même dans nos églises, nous mettions l'accent sur l'étude de la parole de Dieu, sur la mise en pratique de la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père, que ton nom est merveilleux, que ton nom est excellent. Ce matin, ô Père éternel, nous te disons merci pour toutes tes bonnes œuvres à notre égard. C'est toi qui as offert ton Fils Jésus-Christ mourir pour nous, mourir pour nos péchés, mourir pour notre rachat. Ce matin, ô Père éternel, non seulement nous te rendons grâce et nous t'élevons, mais nous prions, ô Père, afin que tu nous donnes le désir ardent de méditer ta parole, que tu nous donnes le désir d'être attaché à ta parole, le désir d'étudier ta parole et de la mettre en pratique dans nos vies individuelles. Donne-nous, ô Père éternel, le désir, la force, le zèle d'enseigner ta parole dans nos communautés, d'inciter nos membres, d'encourager nos membres à étudier ta parole, la méditer et à la mettre en pratique pour l'édification de notre foi et pour l'exemplarité dans tout ce que nous faisons. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous prions chaque jour au Père éternel pour un enseignement équilibré au sein de nos ministères, afin que non seulement nous puissions nous adonner à la louange, à l'adoration, à la prédication, aux prophéties, au parler à langue, mais aussi à l'étude de ta parole, à la méditation de ta parole, à la mise en pratique de ta parole. Ta parole qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager moelle et jointure. Ta parole qui sonde les profondeurs de nos pensées. Ta parole qui nous donne la grâce. Que ton nom soit béni au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Nous venons de voir également que Esdras s'appliquait à enseigner la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour que le ministère de l'enseignement de la parole de Dieu devienne une priorité de l'Église aujourd'hui. Que nous puissions enseigner nos fidèles. Afin qu'ils ne soient plus emportés par tout vent de doctrine. Regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses doctrines qui s'infiltrent dans l'Église. Prions pour que le Seigneur nous aide à pouvoir à ce besoin de l'enseignement de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Merci parce que nous avons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Puisque nous sommes dans la période de la Pâque et nous croyons à l'esprit de la Pâque qui nous rend visite, qui transforme tout en nous. À toi la gloire. Nous voulons par cet esprit que des docteurs soient suscités dans nos églises. Ceux qui ont le don de la parole, de l'enseignement, de l'instruction, de l'éducation chrétienne, interpréter ta parole, enseigner le peuple de Dieu à être dans la voie de Dieu. Nous prions ce matin que ces personnes soient suscitées dans nos maisons, dans nos églises, dans nos ministères, partout où tu nous envoies, pour que ton peuple soit enseigné. Puisque nous sommes, ô Dieu, entourés des personnes, notre Dieu, qui ne sont pas qualifiées, qui n'ont pas ce don, qui n'ont pas ce ministère, qui viennent pour introduire les hérésies dans ton Église. Et le peuple de Dieu est vacille, ne comprend pas, parce qu'il n'y a personne pour pouvoir interpréter correctement ta parole. Nous croyons que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant. Comme les gens de Béré suscitent ces églises, ces hommes, dans nos maisons, dans nos églises, au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions le Seigneur pour qu'il nous accorde sa faveur. Si la bonne main de Dieu est sur nos vies, Dieu va nous accorder toutes les faveurs. Même nos autorités, ils vont nous accorder les faveurs dont nous avons besoin. Prions le Seigneur pour que la bonne main de Dieu soit sur nos vies, sur nos pasteurs, sur notre ministère, afin que nous ayons tout ce dont nous avons besoin, comme ce fut le cas d'Esdras. Prions le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que tu es véritablement, vraiment ressuscité. Merci parce que notre foi n'est pas vaine. Tu es ressuscité par Adam. La mort est entrée dans le quotidien de l'homme. Et par toi, Jésus-Christ de Nazareth, la mort a été vaincue. Et nous avons la vie. Aujourd'hui, l'Esprit qui t'a ressuscité est parmi nous. Et c'est par cet Esprit que nous nous tenons devant toi pour te demander que tu nous accordes la faveur. Cette faveur qu'il faut pour que notre ministère soit coloré. Cette faveur qu'il faut pour que nous soyons dynamiques, nous soyons remplis de l'Esprit, pour que nous fassions les œuvres que tu nous as confiées par ta grâce. Nous prions, Père, que tu donnes la faveur à tes serviteurs, la faveur pour que à la chair, par la prédication de la parole de foi, des âmes soient sauvées, des âmes soient libérées, des âmes soient guéries, des âmes soient fortifiées, des âmes soient restaurées, des âmes soient bénies, Père. Merci, oh Dieu, pour cette faveur que tu libères maintenant sur ton peuple en cette journée. Donne-nous d'aller avec la faveur pour que la promotion soit notre partage, pour que la bénédiction de l'Éternel soit la faveur de quelqu'un, pour que la guérison soit manifestée dans la vie de quelqu'un, pour que la puissance de Dieu accompagne quelqu'un et que nos ennemis tombent. Père, merci pour ta grâce, pour ta faveur qui nous donne donc de triompher aujourd'hui au nom de Jésus-Christ et notre Sauveur ressuscité. Nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rappeler que nous aurons notre rencontre bonheur conjugal pour les célibataires ce dimanche 3 avril. Nous aurons deux services comme d'habitude au CPE. Premier service à 16h, deuxième service à 18h. Thème, comment prier pour ouvrir les portes du ciel, selon 2 Chroniques 7, 13 à 14. Pendant ce temps, nous préparons la retraite, la sortie pour les célibataires le samedi 9 avril à partir de 8h au lycée Mamie Fété de Bingerville. Thème, comment connaître le choix de Dieu dans votre vie pour le mariage. Les tickets sont déjà en vente à la radio Fréquente Vie à 1500 francs. Hâtez-vous et ne manquez pas cette aubaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.